Il y avait un jour dans la vitrine une paire de godasses achetées, vendues. Fier que j'étais devant la glace avec mes godasses achetées, vendues. J'ai été partout, marcher ou courir, mes pauvres godasses, achetées, vendues. Un soir trop sous, deux mecs louches, super tes godasses, volées, perdues. Belle godasse, belle godasse.